音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上是否有乘客， 不管是否停在红灯前， 不管是否有车载电话或蓝牙耳机， 不管谁给我打电话， 我承诺开车时不使用手机。 开车时不使用手机，不是因为你的手没有放在方向盘上，而是因为你的心不在驾驶中。 北京人民广播电台提醒您，开车时请勿使用手机。 带您遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是古月，请欣赏 DG 唱片出版的奥芬巴赫声乐作品精华集。德国女中音索菲冯奥特演唱的奥芬巴赫著名轻歌剧经典唱段。 J'aime les militaires.

c'est ta femme Régimonde, Régimonde, la grande duchesse. Il a l'odeur pour sentiment et la figue, il a la préfesse. Avec son sourire pétendant, quand il arrive avec le capin. Les femmes, elles sont enchantées, mais c'est les hommes qui font la vie. Quand ils avalent Régimonde, les choses, elles se passent autrement. Les hommes, ils ont l'air enchantés, mais c'est les femmes qui font un lit à s'approcher. Je vois comme un écho plein.

Top-Til-Alsacien, Juppé, das Leben ist doch eine Freude.